L'actualité à Nancy et ailleurs. Quatrième édition de la fête médiévale autour de la tour, ce sera le dimanche 18 juin à Bainville au Miroir. Roselyne Audeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du foyer rural de Bainville au Miroir qui organise cette quatrième édition. Ça a commencé quand, cette fête médiévale? C'était en 2017. On l'a fait en fait tous les deux ans. C'était quoi l'idée de départ? Il y a une histoire médiévale à Bainville au Miroir? Oui, lorsque j'étais élue présidente du foyer en 2015, mon premier objectif principal était de maintenir au mieux la dynamique déjà associative de notre beau village qui est situé aux abords des méandres de la Moselle. Cet objectif de cette fête médiévale est de faire revivre le passé, l'histoire de Bainville. Le château fut construit par les comtes de Vaudémont en 1263 et détruit en 1468 sur ordre du duc de Lorraine, qui punissait ainsi tous les alliés du duc de Bourgogne qui venaient d'être vécus à Nancy. Et en fait, l'aiguille de pierre qui subsiste est haute de 22 mètres. Donc, c'est le reste du donjon qui mesurait alors 27 mètres. Voilà. Voilà, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, mais il reste quelque chose. Symbole. Il reste quelque chose, voilà. Et cette tour, en fait, elle est surnommée la dent du diable. Elle a été érigée là pour surveiller donc la Moselle située en contrebas. Et donc, c'est ce lieu qui va servir de cadre pour cette quatrième édition de la fête médiévale autour de la tour? Voilà, oui. Donc là, il y aurait une reconstitution de combat médiéval, tel qu'il se pratiquait à l'époque. Mm-hmm. Et puis aussi, un spectacle de fauconnerie. Il y aura des ateliers aussi? Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Oui, il y aura des jeux d'époque. En cours de la journée, il y aura une balade comptée. Nous avons une conduite qui est super bien, qui partira en fait de la mairie jusqu'à la tour. Après des étapes, et une fois arrivé à la tour, s'enchaînera en fait le combat et ensuite dans le spectacle. Et nous aurons aussi des troubadours, un échassier. Il y aura aussi un fauconnier, je crois, sur place. Oui, donc le maître fauconnier, il sera sur la tour. Hein, là, il y aura lieu de spectacle. D'accord, donc c'est de 10h à 18h30 oui. À Bainville au Miroir. L'entrée est libre pour cette manifestation? Oui, tout à fait, oui, c'est libre. Et puis donc, ça sera aussi un marché donc du terroir et artisanal. Donc dans la salle communale et à l'extérieur. Plein de choses à faire et puis les enfants seront les bienvenus. Il me semble avoir vu qu'il y a une chasse au trésor. Voilà, une chasse au trésor. L'accent sera mis sur les enfants en organisant donc cette chasse au trésor. C'est afin de les sensibiliser à notre patrimoine par des énigmes selon l'âge et un puzzle, donnant l'indice du périmètre où se trouvent les trois trésors. Voilà, mais il n'y a pas de perdant. Tous les enfants seront récompensés. Et puis il y a un atelier poterie. Exactement, donc plein de choses à faire lors de cette journée. C'est le 18 juin, voilà. C'est à Bainville au Miroir. Autour de la tour de Bainville au Miroir, il suffit de venir et découvrir le village aussi qui est dans le Saint-Ouen, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, en fait c'est la seule fête médiévale dans le Saint-Ouen. Une raison de plus pour ne pas la manquer le 18 juin. Merci beaucoup Roselyne Audeau. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.